La chronique cinéma. Je sais pas quoi faire. Est-ce que je fais ? Tu deviens complètement con ou quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ? Je suis le parrain de ton fils. Mais enfin ! Lutin, malin, pestil ! Waouh ! Je la veux encore ! Ça ne doit plus arriver ! Ça fait partie des listes de choses qui ne doivent plus arriver ! Là, c'est... Franchement ! C'est à moi. Je suis ma reine, la bonne fée. Bon con, bonne conne. Chers amis auditeurices, bonjour à tous et bienvenue dans la chronique cinéma d'Hubert Félix Typhon. Alors aujourd'hui, ma chronique va porter sur un réalisateur que j'aime trop, Roman Polanski. Poisson d'avril. Non, aujourd'hui, focus sur le cinéma japonais. En effet, le cinéma japonais est très inventif, poétique et nous emmène loin de notre culture occidentale. Je ne vais pas parler ici d'animé, même s'il constitue une grande partie du paysage cinématographique japonais, mais plutôt citer les films en prise de vue réelle qui ont fait battre mon cœur. Oh yeah ! En numéro 1, il y a bien sûr les films de Yasujirō Ozu, pionnier en la matière et inventeur du plan tatami, qui consiste à filmer au ras du sol. Ozu a réalisé plus de 50 films. Il m'en reste encore beaucoup à voir, mais je ne peux que vous conseiller de regarder le film Bonjour, réalisé en 1959, un film trop mignon, suivant deux jeunes frères, Minoru et Isamu, qui, fâchés contre leurs parents, entament une grève de la parole. C'est un film très drôle et très touchant, sur le quotidien d'une famille japonaise à l'aube des années 60, et qui peut faire beaucoup de bien en temps de confinement. En numéro 2, plongeons-nous dans un cinéma plus contemporain, le cinéma de Kiyoshi Kurosawa. Attention, il y a zéro lien de parenté avec Akira Kurosawa, l'un des cinéastes les plus influents de l'histoire du cinéma japonais, auteur notamment de Chien enragé ou des Sept samouraïs. Mais Kiyoshi Kurosawa n'en reste pas moins important et fait partie de la nouvelle génération de cinéastes japonais, qui s'oriente vers un univers assez fantastique. L'un de ses films qui m'a le plus marqué, c'est Real, réalisé en 2013. Le film raconte l'histoire d'Atsumi et Koichi, victimes d'un drame. Suite à un accident, Atsumi tombe dans le coma. Mais grâce au progrès de la médecine qui fonctionne avec des ondes électromagnétiques, Koichi va pouvoir s'immiscer dans la conscience de sa bien-aimée et ainsi rester connecté à elle. Nani ? Autre réalisateur très intéressant, Ryusuke Hamaguchi. J'arrive pas trop à dire son nom, ça ressemble un peu trop à Tamagotchi. Il est notamment l'auteur de Senseis ou Dazako 1 et 2. Son cinéma nous fait sentir au plus proche de ses personnages, presque en temps réel, avec de très rares ellipses narratives. Ainsi, dans Senseis, nous partageons les discussions et questionnements de quatre amis, très différentes les unes des autres, mais très soudées. C'est un film en 5 parties dont l'intégralité dure 317 minutes et qui offre une expérience cinématographique assez inédite. Oh wow ! Asako 1 et 2 racontent l'histoire d'une jeune femme qui n'arrive pas à oublier son amour de jeunesse. Il est peut-être un peu plus naïf, mais tout aussi intéressant dans sa chronologie et dans sa manière d'appréhender le personnage. Et pour finir, je vous conseille vivement les films de Naomi Kawase. Je vous en ai déjà parlé dans ma première chronique en évoquant Les Délices de Tokyo. Il s'agit d'une de mes réalisatrices préférées, une femme au talent inconditionnel, puisque quasiment tous ses films ont été sélectionnés à Cannes. Amour éternel pour son film Steve the Water, réalisé en 2014, un film qui raconte une histoire d'amour entre deux jeunes gens, explore le point de vue féminin et questionne la vie et la mort. Un bijou visuel et poétique. Bien sûr, c'est un cinéma dont il me reste beaucoup à découvrir. Je vous invite donc à faire vos propres suggestions de films japonais vraiment trop stylés. Oh yeah! Avant de nous quitter, je vous propose un petit jeu concours. Comme nous sommes le 1er avril, citez-moi un film avec le mot « premier » ou le mot « avril » dedans. Si vous ne trouvez pas, citez-moi un film avec des poissons. Pas le monde de Nemo, c'est trop facile. Le gagnant recevra un coffret intégral de l'œuvre de Roman Polanski. Ou une photo de moi personnalisée et sans filtre, c'est au choix. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin des poissons, des gémeaux aussi, il y a le droit. Regardez plein de films japonais et restez branchés sur Radio Boncon, la radio des boncons. La chronique cinéma. Tu es complètement con ou quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Je suis le parrain de ton fils. Mais enfin... Lutin, malin, pestil. Waouh! Je la veux encore. Ça ne doit plus arriver. Ça fait partie des listes de choses qui ne doivent plus arriver. Franchement.